Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'artiste Louise Bourgeois, qui est une artiste qui donne son nom à l'atelier de sculpture à l'école d'art de Rion. Louise Bourgeois est une artiste qui est née en France en 1919 et qui est morte aux États-Unis en 2010, après avoir été naturalisée américaine dans les années 1930. C'est une artiste qui est principalement connue pour ses sculptures et ses installations monumentales, mais elle a aussi produit des peintures, des dessins, des gravures et bien nombre d'autres œuvres d'art. Bien que ces gigantesques araignées en bronze trônent dans les plus grandes villes du monde, devant généralement les plus grands musées de ces grandes villes, Louise Bourgeois est une artiste qui explore principalement des thèmes tels que l'univers domestique, la famille et le corps. C'est une artiste inclassable qui a touché à plusieurs mouvements de l'art du XXe siècle, du surréalisme à l'expressionnisme abstrait, sans jamais y être totalement affiliée de manière officielle. Son père et sa mère possédaient à Paris un atelier de restauration de tapisseries anciennes, et c'est au contact de ce métier que Louise Bourgeois va découvrir le dessin et l'art. Au début des années 1930, elle commence des études d'art, tout d'abord à l'école des Beaux-Arts de Paris, puis dans divers ateliers et académies libres de la capitale. Elle va notamment être l'élève du peintre Fernand Léger, qui va essayer de l'orienter vers la sculpture. Elle rencontre le critique d'art américain Robert Goldwater en 1938, l'épouse et part vivre avec lui à New York. Robert Goldwater est un artiste, un critique d'art, pardon, spécialisé dans les arts premiers. Dans ses premières années américaines, Louise Bourgeois va notamment être en contact avec le milieu des artistes surréalistes français qui ont émigré à New York durant la guerre. Elle va d'ailleurs retenir beaucoup d'aspects du surréalisme, mais c'est dans sa vie, et notamment dans ses souvenirs et de traumatismes d'enfance, que Louise Bourgeois va puiser la plupart de ses travaux, de la source de la plupart de ses travaux artistiques. Ses œuvres vont souvent jouer des rapports entre masculin et féminin, entre adultes et enfants, entre père et mère. Elle expliquera à plusieurs reprises que ce sont ses œuvres et son travail d'artiste qui lui ont permis de surmonter ses traumatismes et ses angoisses, et qui lui ont réellement permis de continuer à vivre de manière sereine, ou tout du moins plus sereine. Il y a notamment un événement dans la vie de l'artiste qui va être à la base de beaucoup de ses créations, de beaucoup de ses traumatismes, et aussi de beaucoup de ses créations finalement, puisque vers 10 ans, elle va remarquer que sa nounou, qui est d'origine anglaise et qui vit avec sa famille, est aussi la maîtresse de son père. Cette situation où l'amante de son père vit dans le domicile familial, à l'insu complet de la mère, et alors qu'elle est censée s'occuper d'elle comme une deuxième mère, puisque c'est sa nounou, va énormément la marquer, va énormément la traumatiser. D'autant plus que sa mère meurt alors qu'elle n'a que 21 ans. Depuis le début de sa carrière, on va d'ailleurs trouver, par rapport à cette notion de mère, cette notion de foyer, cette notion de traumatisme dans l'enfance, on va trouver dans le travail de Louise Bourgeois des personnages qu'elle appelle les femmes maison. Les femmes maison, ce sont des personnages féminins, exclusivement féminins, dont une partie du corps est une maison, et qui sont ou qui sont hybridées, on pourrait dire, avec une maison. Ce sont des peintures, mais ce sont aussi des dessins ou des petites sculptures. À partir de 1947, Louise Bourgeois va se mettre à sculpter des figures longitudinales en bois qu'elle appelle les personnages. Ces personnages, ils ont l'aspect de totems, assez lisses, un petit peu d'inspiration surréaliste, et ils s'inscrivent réellement là dans la verticalité. Ce sont des sculptures assez fines, assez fragiles. Et ils sont pour l'artiste un rappel des membres de sa famille et de ses amis qu'elle a laissés en Europe, hein, puisqu'elle a immigré finalement assez jeune aux États-Unis. Son père va mourir en 1951 et Louise Bourgeois va entamer à ce moment-là une psychanalyse qu'elle va faire perdurer quasiment jusqu'à la fin de sa vie et qui va lui permettre, à travers son travail d'artiste, à travers ses œuvres, finalement, de réinventer son passé, ou tout du moins de le digérer et de le ressortir d'une autre manière. Ainsi, dans les années 1960, l'artiste va créer des œuvres qui mettent en scène des parties de corps humain suggérées, déformées ou détournées, comme la célèbre sculpture Fillette de 1968, à la forme phallique absolument certaine et au titre pourtant assez ambigu. Elle va donc, cette artiste, travailler des matériaux qui sont habituellement réservés aux hommes, comme le bronze, dans le cas d'ici de Fillette, mais aussi le marbre. Dans l'œuvre Cumule, en 1968 aussi, elle va tailler dans un bloc de marbre blanc italien des sortes de sphères. Elle va y faire apparaître une infinité de formes sphériques, des formes ovoïdes, des formes très lisses, qui semblent émerger de dessous un voile. On peut, dans ces formes sphériques, y voir des œufs, y voir des globes oculaires, y voir des seins, y voir des phallus, mais le nom de cumul vient, lui, des nuages ronds, hein, qu'on nomme habituellement cumulus. La blancheur du marbre et son aspect très lisse est souvent utilisée chez Louise Bourgeois pour donner l'illusion de la peau humaine. Et en contrepoint à cet aspect très lisse, cet aspect très rond, très arrondi, l'œuvre cumul est disposée sur un bloc de bois très brut à l'aspect très râpeux. Jusqu'à la mort de son mari en 1973, il faut noter que les œuvres de Louise Bourgeois sont toujours de taille moyenne, car en fait, elle doit jongler entre sa carrière d'artiste, sa vie de femme, sa vie de mère, puisqu'elle a des enfants, et après la mort de son mari, au début des années 1980, elle va déménager et s'installer dans un atelier beaucoup plus grand, où elle va pouvoir désormais réaliser des œuvres monumentales. Donc elle va avoir plus de place à disposition pour travailler. Elle va aussi avoir des enfants qui ont grandi et qui désormais vivent d'eux-mêmes. Donc elle a plus de temps, plus de place. Et elle va alors délaisser la sculpture au sens classique du terme pour s'orienter vers ce qu'on appelle l'installation. L'installation, qui est une spécificité de l'art contemporain, c'est une sorte d'œuvre monumentale où l'on peut pénétrer et où l'on peut regarder à l'intérieur des arrangements d'objets symboliques. C'est parfois accompagné de lumière, de son, d'odeur, pourquoi pas. Et à 60 ans révolus, Louise Bourgeois se lance donc dans la réalisation d'installations, c'est-à-dire d'œuvres qui nécessitent une grande implication physique. Ces œuvres, cette série d'œuvres plutôt, elle va les appeler les cells ou cellules en français. Ces cells, ces cellules, ce sont des lieux hybrides qui sont à la fois clos et ouverts et qui entraînent un véritable face-à-face entre l'œuvre et le visiteur. Les cells sont construites à partir d'un mélange de matériaux architecturaux récupérés, tels que des vieilles portes, des fenêtres, des treillis métalliques, des vitres, mais aussi des fragments sculpturaux d'anciens fragments de ces sculptures. À l'intérieur de chacun de ces environnements fermés, puisqu'on est vraiment dans des environnements, on rentre dans une œuvre, mais on rentre un petit peu comme dans une pièce, Louise Bourgeois crée de véritables scènes, des décors presque théâtraux, dans lesquels elle développe encore et toujours sa mythologie personnelle. Chaque cellule joue sur le plaisir du voyeurisme, sur le frisson de regarder et d'être regardé, puisque dans chacune des cellules, généralement, il y a une partie transparente, il y a une fenêtre, ou il y a une porte qui reste ouverte, ou il y a du grillage. Et c'est intéressant ce nom de cellule, puisque cellule est porteur de plusieurs sens, et c'est un mot qui renvoie aussi bien à des lieux de réclusion, les cellules des univers carcéraux, mais aussi les cellules monastiques, qu'aux cellules biologiques, aux cellules des organismes vivants. Ce sont donc des cellules qui protègent autant qu'elles enferment. Et ça se voit assez bien d'un point de vue matériel. Dans les années 1990, par la suite, Louise Bourgeois va développer une série de sculptures monumentales qui vont achever d'en faire une star, qui vont réellement en faire une star de son vivant. Ce sont ces fameuses araignées. Ces araignées, il en existe plusieurs versions, il en existe beaucoup d'exemplaires, et de tailles différentes, et la plus grande est à Londres, elle fait 10 mètres de haut pour autant de large. C'est une sculpture qui est une sculpture entièrement en bronze, et l'abdomen de cette araignée comporte des œufs en marbre. Chacune des versions de ces araignées comporte des œufs en marbre. Ce sont donc des araignées femelles, et elles portent toutes le même nom, ces araignées ou ces œufs, elles s'appellent « maman ». Voilà, l'araignée, c'est sa maman. Louise Bourgeois dit à ce propos « L'araignée est une ode à ma mère. Elle était ma meilleure amie. Comme une araignée, ma mère était une tisserande. Ma famille était dans le métier de la restauration de tapisseries et ma mère avait la charge de l'atelier. Comme les araignées, ma mère était très intelligente. Les araignées sont des présences amicales qui dévorent les moustiques. Nous savons que les moustiques propagent les maladies et sont donc indésirables. Par conséquent, les araignées sont bénéfiques et protectrices comme ma mère. » Jusqu'à son décès, à 98 ans, Louise Bourgeois va continuer à produire ses araignées, ses sculptures, des cellules, elle va continuer à produire ses œuvres, et elle va, à la fin de sa vie, commencer à produire des livres textiles, c'est-à-dire des livres dont les pages sont remplacées par du tissu et sur lesquels elle intervient en cousant des éléments textiles, de la dentelle, etc. Louise Bourgeois renoue donc, à la fin de sa vie, avec une vocation familiale, pourrait-on dire, puisque ses deux parents étaient dans le commerce de la restauration de tapisseries, et elle exprime à travers ses livres, et de manière symbolique, comment les membres d'une même famille tissent des liens, les défont, et tente de les réparer. Louise Bourgeois restera l'une des premières femmes artistes à connaître succès et reconnaissance de son vivant. À travers la diversité de ses pratiques et des matériaux qu'elle utilisera, elle est aussi le symbole d'une génération d'artistes contemporains, hommes ou femmes, qui ne se limitent plus à une seule technique, mais qui vont naviguer entre la sculpture, le bronze, le marbre, différentes techniques du dessin, de la peinture, etc., etc. Et en cela, Louise Bourgeois a été une pionnière pour les artistes femmes, pour les artistes en général, et elle est aujourd'hui toujours extrêmement actuelle.